Les éditions de l'avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 3, du samedi 8 septembre 1883. Page 1, colonne 5. Correspondance. Nous ne sommes pas responsables des opinions émises ou des faits rapportés par nos correspondants. Monsieur le rédacteur, mercredi 29 août dernier, nous avons eu une assemblée de tous les paroissiens de Saint-Édouard de Clifton dans le but de discuter le changement opportun de notre Église. 71 étaient en faveur de ce changement et 42 contre. Les 71 ont ouvert une souscription pour soutenir les dépenses qu'occasionnera la reconstruction de notre nouvelle église, ils ont recueilli la jolie somme de 412 $ plus 92 journées d'hommes. M. Camille Desjarlais représentait le parti en faveur du changement, et malgré les obstacles qu'apportaient les 42 pour empêcher M. Desjarlais de parler sous prétexte qu'il n'était pas franc-tenancier, nous avons fini par l'emporter dans la lutte, soutenus que nous étions par M. le grand vicaire Dufresne. Les 42, se voyant perdus, et ayant honte de ne pas contribuer aux dépenses d'une nouvelle église qu'ils avaient refusée, et ne voulant pas, dit-on, y contribuer de leur propre denier, ont fait une souscription sur les confins des paroisses voisines et sont parvenus à ramasser 312 $. Tout ce qui a été fait à cette assemblée a été ratifié par M. le grand vicaire. Tout est bien, qui finit bien. Recevez, etc. 1 des 12, Saint-Édouard de Clifton, 30 août 1883. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons Attribution Non-Commercial Share Alike et est une production 2012 des éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention. À bientôt.